douter, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tout ce corps de feu à expulser. Liberté, égalité, fraternité, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tous ceux corps de feu à expulser. Liberté, une belle illusion pour nous faire croire qu'on peut avancer, mais la vérité c'est qu'on vit tous enfermés, emprisonnés, dirigés dans le présent par des lois du passé, vision d'un futur qui me fait malheureusement flipper. On peut circuler où on veut, mon cul à chaque coin de rue un bleu, ils te demandent tes pieds pas pour savoir si t'es un bon gaulois comme eux, normalement libre de nos choix et de nos actes, mais pour un pet chez WAM, pourquoi j'ai la bague qui débarque, libre de penser mais bon faut mieux éviter l'exprimer, libre de rapper mais bon faut mieux éviter d'être écouté, libre de t'informer enfin de ce qui n'est pas censuré, par contre c'est vrai, libre à toi de savoir analyser. Donc la liberté c'est la première carotte pour nous illusionner, nous faire croire que la France est un monde enchanté, mais si par chance t'arrives à y entrer, nos dirigeants et leur manque d'indulgence te feront vite déchanter. Liberté, égalité, fraternité, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tout ce corps de feu à expulser. Liberté, égalité, fraternité, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tous ceux corps de feu à expulser. Égalité face à la loi, à qui veux-tu faire croire ça? Ça dépend surtout de combien tu donnes à ton avocat, ça dépend de ton nom et aussi de celui de tes gars, sinon nos politiciens seront en prison et crois-moi pour de longs mois. Égalité des chances, pourquoi Farida trouve moins de taf que Constance? C'est une constante qu'entre hommes et femmes il y a une telle différence. Quelle chance pour un bac plus 5 dont le nom rappelle pas la France. Tu crois que t'as fait au McDo pour eux est une récompense. Peux-tu m'expliquer quelle égalité entre moi et Bolloré? Quelle égalité entre SDF et nos politiques ces enfoirés? Entre mon père qui tape depuis plus de 30 années et Jean Sarkozy qui a 26 piges est devenu PDG? Quelle égalité quand il s'agit d'envoyer nos gosses à l'école? On n'a pas tous les moyens d'aller à l'ENA ou à la Sorbonne. L'égalité, deuxième illusion de cette nation, dirigée par le fric et non dirigée par la raison. Liberté, égalité, fraternité, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tout ce corps de feu à expulser. Liberté, égalité, fraternité, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tous ceux corps de feu à expulser. Il reste la fraternité, très certainement la pierre de toute, oubliée depuis des centaines d'années, et ça sans aucun doute. On essaye tout ce que coûte d'avancer, de faire notre route. Peu importe du monde sur le côté, on continue, rien à foutre. Dis-moi comment nos politiques peuvent-ils oser utiliser ce terme? Dans leur appartement, ces enfoirés ne pensent qu'à eux-mêmes. Pourtant Sarko pourrait m'aider avec sa paix qui fait 100 fois la mienne. On pourrait reloger par centaines avec le patrimoine d'une dizaine. Entre nous, faut bien être honnête, malgré nos rêves, c'est la même. Le sentiment le plus connu par l'homme, c'est pas l'entraide, c'est la haine. On récolte ce que l'on sème, donc c'est l'égoïsme qui règne. On récolte ce que l'on sème, donc c'est l'altruisme qui est bientôt dead. Voilà la fraternité, c'était la dernière que j'avais à citer. La plus triste pour moi, car pour elle au moins on pourrait œuvrer. Tous soudés, c'est une utopie que je continue d'espérer. Pourquoi ne pas espérer qu'un jour tout ça pourrait changer? Liberté, égalité, fraternité, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tout ce corps de feu à expulser. Liberté, égalité, fraternité, permets-moi de douter, viens l'expliquer aux gens enfermés pour leurs idées, viens l'expliquer à ce fils de smicard suicidé, viens l'expliquer à tous ceux corps de feu à expulser.